Chapitre 4. Madame d'Argonne, prête depuis longtemps, attendait, en allant et venant dans le salon, la voiture qu'on n'annonçait pas, tandis que son mari, enfoncé dans un grand fauteuil, lisait paisiblement le Gaulois. À la fin, elle demanda, surprise de cette attente prolongée, « Vous ne pensez pas qu'il soit arrivé quelque chose? La voiture est très en retard. » Il répondit, sans cesser de lire, « Mais non, il n'est que l'heure. » Elle reprit sa promenade, un peu agacé. Ce qui l'ennuyait dans les courses et l'empêchait d'y aller plus souvent, c'est que le dimanche, elle aimait rester chez elle. C'était aussi le monde qu'elle rencontrait. Tous ces insignifiants dont il fallait entendre les extraordinaires banalités auxquelles il en fallait répondre, la fatiguaient. Mais elle aimait assez les courses en elle-même. Une belle course l'amusait. Et puisqu'elle avait à subir les tracas de la toilette et du trajet et les protestations d'admiration, de respect ou même de tendresse d'un tas d'ennuis corrects, bien mis et bien pensants, elle voulait au moins, comme dédommagement, voir l'ensemble de la journée. Elle insista. « Je suis sûr qu'il y a quelque chose de démoli. Je vais sonner. » Elle demanda au valet de pied qui entrait « Pourquoi la voiture n'est-elle pas prête ?» Il répondit que la voiture était prête. Seulement, il s'en fallait de 2 ou 3 minutes qu'il fût l'admis, et on attendait pour annoncer que l'heure fût sonnée. « Comment l'admis ? Mais on part toujours à 2 heures. »« C'est monsieur le comte qui a donné les ordres lui-même, et monsieur le comte a dit 2 heures et demie. » Christiane se tourna vers son mari. « Vous avez demandé la voiture pour 2 heures et demie seulement ? C'est bien possible. »« Tiens, pourquoi ça ? Je me serais trompé. » Il répondait avec un peu d'embarras. Et elle flaira une combinaison dans ce dérangement de la routine accoutumée. En approchant d'Auteuil, en se trouvant prise dans la triple file des voitures qui avançaient collées les unes aux autres, se frôlant au moindre arrêt, elle devina la combinaison elle-même. Jamais il ne marchait dans une telle cohue, mais d'habitude, il passait au même endroit une demi-heure plus tôt. Le comte avait voulu arriver dans le flot retardataire, c'est-à-dire dans le flot élégant. Consolé de n'être pas du coach des treuils, il tenait à faire admirer aux connaisseurs une grosse Victoria un peu lourde qui arrivait de Londres et une paire de Cobb irlandais qui trottaient haut et vite, secouant leur fronton fleuri d'œillets saumon. Avant l'arrivée, les Treuil les dépassèrent. Treuil, infiniment correct, avait près de lui Madame de Vaunancourt dans une étourdissante toilette vert et mauve. La baronne, fidèle aux couleurs que les imbéciles ont assignées aux brunes, avait une robe de Pékin corail à manches monstrueuses et un grand chapeau très empanaché de plumes rouge feu, corail et rose. Le tout réussi et élégant, bien qu'un peu hurlant, et signé, à première vue, pour les yeux exercés de M. d'Argonne, du couturier le plus en renom. À côté d'elle était son père, écarlate sous un chapeau gris, en face, Morière, l'air froid et ennuyé, regardait de ses yeux à demi-clos d'où filtrait une mince lueur pâle et coupante la foule curieuse des élégances qu'il incarnait. Vaunancourt, à la fois bavard et discret, remuant et effacé, savourait l'honneur qu'on lui faisait en l'emmenant et s'appliquait de toutes ses forces à le mériter de nouveau. Il y avait aussi le comte Dupuis, un garçon de 35 ans, laid, bête et méchant, qui, sans argent ni agrément d'aucune sorte, s'était poussé, on ne savait comment, au premier rang de ce monde fermé. Le coach rouge à train jaune éclatait sous le soleil et 4 chevaux rouants marchaient lentement dans le cliquetis des harnais. Presque au moment où le coach dépassait d'une longueur les d'Argonne, la voiture des Givray les rejoignit. Pendant un instant, ils marchèrent côte à côte dans la file. La petite de Givray, gaie comme un pinson, roulée dans du crépon gris perle et coiffée d'un canotier en gros paillasson gris à ailes de mouette, promenait partout autour d'elle un œil blagueur et amusé. Et comme le comte Salomon assis à l'arrière du coach se mouchait longuement avec un bruit de trompe, elle le désigna de la pointe de son ombrelle en disant à Christiane qu'alors elle frôlait presque. « Il n'y a pas à dire, c'est un cheveu dans le beurre des Treuil, ce bonhomme-là. » Madame d'Argonne se mit à rire, tandis que son mari vexé regardait avec inquiétude si personne n'avait entendu, et faisait des vœux pour qu'un remous des voitures poussât au loin cette compromettante voisine. Tout à coup, il se retourna pour regarder une Victoria bien attelée qui arrivait à droite, dans la file la plus éloignée des Treuil, mais tout à fait à la même hauteur, et il dit, très bas, en touchant doucement le bras de Christiane, C'est amusant. Voilà justement Blanche Lacombe sur la même ligne que les Trailles. » La comtesse remarqua à peine la grande fille aux sourcils noirs, aux cils immenses, aux lèvres duvetées, assise raide dans sa Victoria. Mais madame de Givray dit à son mari en la lui montrant: « C'est drôle, elle ressemble à Agar. Moi, à la place de Treuil, j'aurais mieux aimé changer. » Comme elle regardait autour d'elle en riant, monsieur de Givray demanda: « Qu'est-ce que vous cherchez ?»« La cocarde tricolore. Il doit y avoir pas loin une voiture qui charrie des membres du gouvernement. » Il se mit à rire aussi et répondit: « C'est probable. » Le culte de la Combe Ier pour les gens au pouvoir égayait infiniment l'entourage de monsieur de Treuil. Certes, elle le trompait joyeusement avec qui voulait l'y aider, mais quand elle pouvait s'offrir un personnage politique gouvernemental, sa joie devenait du délire. Ministres, députés officiels, chefs de cabinet, tout lui était bon. Les grades mal acquis, les titres d'un jour, les décorations honteuses, la remplissaient d'un respect religieux et intense, la plongeaient dans des extases infinies. Cette fille, pêchée dans le ruisseau par des hommes élégants ou riches, qui ne parlaient devant elle des gens au pouvoir que pour les blaguer, éprouvait une sorte d'émotion sacrée à la vue du personnage officiel le plus ridicule ou le plus râpé. Pour elle, le gouvernement, c'était la cour. Ce mot, qu'elle écrivait avec un grand C, renfermait à ses yeux toutes les élégances et toutes les grandeurs. C'était une distraction pour les amis de M. de Treuil de la questionner et de savoir les noms des gens rencontrés avec elle. On apprenait l'histoire contemporaine avec la Combe, heureuse, dénumérée par le menu ses belles relations. D'Argonne examinait tour à tour la toilette de la baronne et celle de la danseuse. Rouges, toutes deux, venant évidemment de chez Montaut. Et comme madame de Treuil semblait, elle aussi, regarder avec une hauteur approbatrice la maîtresse de son mari, il dit à Christiane, d'un ton pénétré, en lui indiquant la baronne: « Non, mais a-t-elle un tact, hein? En a-t-elle un ?» Madame d'Argonne eut un petit mouvement d'épaule. Toutes ces histoires l'écœuraient un peu. Elle avait beau faire, elle n'arrivait pas à admirer ce tact fait de compromission et de tolérance. Au lieu de comprendre mieux, à force de le connaître, ce monde où elle vivait, elle arrivait insensiblement à le prendre en horreur, et elle pensait que sur cette route ensoleillée, dans ces voitures pleines de fraîches toilettes, il n'y avait que de vilaines âmes, prêtes à toutes les hypocrisies et à tous les cynismes mondains. Elle chercha madame de Givray pour reposer ses yeux sur ce visage rieur et malin qu'elle aimait bien, mais la file de gauche avait repris le trot, et elle aperçut la voiture des Givray qui disparaissait au tournant de la route. Alors, elle resta jusqu'à l'arrivée sans parler, un peu triste. Elle regarda descendre du coach les invités des Treuil et suivit d'un œil distrait leur entrée au pesage. Seul, le comte Dupuis s'arrêta au bord de la route où il resta, semblant attendre. Machinalement, Christiane, qui descendait de voiture à son tour, regarda qui arrivait derrière elle. Elle vit Blanche Lacombe, à qui Dupuis tendit la main et offrit le bras pour la faire entrer. Et elle se dit que c'était probablement par une multitude de complaisances de ce genre que cet individu sans esprit, sans physique, sans argent et sans nom était arrivé à se faufiler dans un monde qui n'était pas le sien, et peu à peu à y compter, puis à faire partie des grands cercles. Tout de suite, elle demanda à son mari de la conduire près de madame de Givray, qui devait être assise à sa place habituelle. Il était convenu que la première arrivée garderait des chaises. Il bougonna un peu. « Quelle drôle d'idée de toujours te coller ainsi à madame de Givray. On ne l'aime pas, tu sais. On a tort, mais ça m'est égal, et à elle aussi. » « Ça t'est égal. C'est très joli tout ça. On dirait, ma parole, qu'on peut se passer de tout le monde. » « Il me semble. » Sans savoir ce qu'elle allait dire, il l'interrompit. « Il te semble mal. Il faut plaire si nous le pouvons, et dans tous les cas, ne pas heurter l'opinion de front si nous voulons réussir. » « Réussir à quoi ? On croirait, à t'entendre parler de nous, qu'il s'agit d'un ménage qui cherche une place. Réussir ? Qu'est-ce que tu veux donc de plus que ce que tu as ?» « Je veux, pour toi et pour moi, une situation que nous n'avons pas encore. » Sans se rendre compte de ce qu'il faisait, il tournait en parlant autour du paddock, oubliant de conduire Christiane près de madame de Givray. Elle demanda en souriant: « Est-ce que tu vas me faire tourner longtemps comme ça ?» Il s'excusa. « Pardonne-moi, je ne pensais plus à ton rendez-vous. Je voudrais tant te voir comprendre la vie comme il faut, c'est-à-dire comme toi. Parfaitement, nous serions si heureux. » Elle murmura, les yeux tout pleins de larmes, « Est-ce que nous ne le sommes pas ?» Il répondit dans un élan sincère, « Aussi, je veux seulement dire que tout serait bien plus facile si nous avions en tout la même façon de voir. » Après un silence, il ajouta, « Sois gentil pour Morière, veux-tu ? Tu m'as déjà recommandé ça hier soir. Pourquoi ne veux-tu pas que je sois, de moi-même, aimable pour un monsieur que je sais ton meilleur ami ? Seulement je crois que je ne lui plais pas du tout. » Voyant qu'il la regardait, l'air consterné, elle reprit, « Pourquoi donc tiens-tu tant à ce que je lui plaise à monsieur de Morière ?» Il répliqua, en allant vers les givrets qu'il venait d'apercevoir, « Parce que c'est lui qui fait les réputations et les engouements. » Quand, après l'avoir installé près de madame de Givret, Dargonne demanda à sa femme si elle n'avait plus besoin de lui, elle répondit avec conviction, « Oh, plus du tout !» Et c'est avec une sorte de soulagement qu'elle le vit s'éloigner. Madame de Treuil passait au bras de Morière. Ils saluèrent sans s'arrêter, et Christiane devina qu'il parlait d'elle. C'était vrai. La petite de Givret, avec ses oreilles étonnamment fines, les avait entendues. Elle se tourna vers la comtesse. « Il trouve que vous vous habillez mal. » « Jacques aussi le trouve. » Monsieur de Givret demanda, regardant la jeune fille si fraîche dans sa robe blanche qui tombait toute droite, accusant à peine les hanches fines, « Même aujourd'hui ?» Elle se mit à rire. « Non, aujourd'hui il n'a rien critiqué, et il a même trouvé que c'était à peu près bien. » « À la bonne heure, il eût été difficile, n'est-ce pas, Rosette ?» Madame de Givret, occupée de son cousin de Morière et de la baronne, suivit, comme elle avait coutume de faire, sa petite idée, sans répondre à la question de son mari. Ce pauvre André, en voilà un qui avait tout pour être charmant. « Mais est-ce qu'il n'est pas charmant ?» fit Christiane, surprise. « Oui, si on veut. Mais le chic l'abrutit, il ne pense qu'au chic, ne vit que du chic et pour le chic. » Madame Dargonne demanda en souriant, « Je croyais qu'il vivait aussi pour elle, ou plutôt pour elle. Pour elles aussi, mais à condition qu'elle soit chic. Une femme peut être belle, bonne, intelligente, exquise. Elle n'existe pas pour André si elle n'est pas chic. Ce matin, il est venu déjeuner avec nous et je me suis presque mise en colère. À propos de quoi ? À propos d'hier soir. » Elle s'arrêta sur un signe de son mari et la comtesse pensa. Ils en parlaient de moi. La petite de Givret reprit. Si, au contraire, une femme est chic, il lui permet d'être méchante et bête et l'aide aussi par-dessus le marché. « Il n'a pas besoin pour l'instant de tant de tolérance, » fit observer M. de Givret. « Madame de Treuil est une belle personne. »« Ah !» demanda Christiane. « C'est Madame de Treuil qui... »« Pas encore, peut-être. »« Il m'est revenu que depuis 2 jours, mais il a l'air de la trouver à son goût. »« Il s'en occupe énormément. » »« Et, » déclara Madame de Givret, « elle ne gêne pas pour siffler au disque. » La comtesse répéta interrogativement, « Siffler au disque ?»« Ça veut dire que la voix est libre, » expliqua M. de Givret, et se tournant vers sa femme. « Vous voyez, Rosette, vous parlez une langue si riche que vos amis eux-mêmes ne la comprennent plus. Vous devriez faire attention à eux. » Elle l'interrompit. « Laissez donc. Vous savez bien qu'avec moi ça ne sert à rien, la morale. Vous ne comprenez pas que c'est un tort de parler comme vous le faites ?»« Et si, je le comprends. Et puis après ?» J'aurais beau prendre de belles résolutions. Me surveiller, va te faire fiche. Je recommencerai, je le sais bien, et vous aussi. » Le comte Dupuis arrivait à eux, la bouche en cœur, le salut moelleux. Sans y être invité, il prit une chaise, s'assit, et croisant haut la jambe, demanda avec une familiarité vulgaire. « Avez-vous vu ? Elle est bien bonne. Nous sommes venus botte à botte avec la combe. On se dépassait, on se rattrapait, on se redépassait. La baronne a été très chic. « Épatante, mon cher. Du reste, je crois qu'au fond, ça lui fait plaisir. Ça fait partie du train. Elle tient à ce que ça soit bien tenu, comme le reste. Je me demande si ce n'est pas elle qui choisit les toilettes et qui commande, comme pour elle, car elles avaient l'air des 2 petites sœurs. Aimables gens, les Treuil, mais drôles de mœurs. » Personne ne répondait, il demanda. « Vous l'avez bien vu en venant, la combe, n'est-ce pas ?» Madame de Givret détestait Dupuis. Elle le trouvait ennuyeux et commun. Bien qu'elle n'eût aucune sympathie pour les Treuil, elle s'agaça de voir ce monsieur qui profitait continuellement d'eux, de leur train et même, disait-on, de leur bourse, les attaquer vilainement. Redressant sa petite tête comme au jour de bataille, elle dit sèchement « Je n'ai pas vu mademoiselle Lacombe en venant, mais je l'ai vue ici, quand vous l'avez amenée à votre bras. » Le comte Dupuis fit un mouvement, cherchant une réponse, mais madame de Givray était lancée, elle reprit « Ça ne me choque pas, vous savez. Je comprends fort bien que lorsqu'on a des amis aussi aimables et aussi utiles que les Treuil, on ferme les yeux sur leurs petites faiblesses, et qu'on y prête au besoin les mains, si chatouilleux que l'on soit d'ailleurs au point de vue des mœurs. » Il répondit avec aplomb « Vous avez raison, il faut être indulgent aux autres, et se dire que nul n'est parfait ici-bas. » Puis, au bout d'un instant, il s'en alla. « C'est absurde, » fit M. de Givray, à moitié riant, à moitié sérieux. « Pourquoi parlez-vous de la sorte à cet animal? J'ai vu le moment où il allait se fâcher. Se fâcher, allons donc, pour avoir affaire avec vous, pas si bête, risquer quelque chose pour rien. Ah, vous ne le connaissez guère. » Et comme M. de Givray protestait, « Mais non, je vous dis, si au lieu d'être vous, un bon garçon plein d'esprit et de bonne humeur, mais pas du tout dernier cri, vous étiez un monsieur comme André de Morière, par exemple, j'aurais été plus modéré. Dans ce cas, une affaire le couvrait de gloire, et pour ça il eût consenti, peut-être, à risquer sa peau. Mais avec vous, mon pauvre ami, pas la moindre gloire à croiser le fer. » Rien que la chance, à peu près certaine, de se faire embaucher comme un limaçon. « Comment ?» dit madame d'Argonne, qui regardait le comte Dupuis se perdre dans la foule. « C'est un monsieur comme ça. »« Comme ça ? Qu'est-ce que vous appelez comme ça ? C'est un monsieur comme les autres. Ah, voilà André !» Morière s'inclinait devant madame d'Argonne, et relevant la tête, l'enveloppait tout de ce regard bleu qui savait si bien voir alors qu'il semblait seulement caresser. Du pied, Rosette posa derrière lui une chaise en disant « « Tu ne t'assois pas ?» Il répondit, avec la câlinerie aimable qui traînait dans sa voix, « Je m'assois, si vous voulez bien de moi. » Et s'adressant à la comtesse, « Est-ce que d'Argonne n'est pas là ?»« Le voilà, » dit-elle en indiquant son mari assis à quelques pas près de madame de Treuil. La petite de Givray demanda, « Tu as parié pour qui ?»« Pour Swanhot. Il ne peut pas être battu. »« Ah, tant mieux pour lui et pour toi. » Il a donné sa mesure, et il est tellement supérieur à... » Voyant que Christiane n'écoutait pas, et regardait au loin, distraite, il s'interrompit. « Mais nous sommes là, à parler de course, sans penser que ça ennuie madame d'Argonne. » « Quoi ? » fit la comtesse qui n'avait entendu que son nom. « Je dis que nous nous ennuyons, en parlant de choses que vous n'aimez pas. » Elle répondit étourdiment. « Oh, pas du tout, je n'écoutais pas. » Morière la regarda, interloquée, vraiment surpris du peu d'importance qu'il avait à ses yeux. Il n'était pas accoutumé à être traité avec une telle désinvolture. Et Rosette, devinant vaguement ce qui se passait en lui, demanda, goguenarde, « Ça t'épate, hein, ça ? Dis donc, si tu veux bien me permettre d'ennuyer encore un instant, madame d'Argonne, je vais t'expliquer quelque chose. Quoi ? Un petit pari que tu vas aller me faire. Tu seras bien gentil. » Il fit la grimace. « Tu ne peux pas envoyer Henri ? « Non, il ne parie jamais. Il est comme un empoté dans tout ça. »« Eh bien, et moi ? Tu ne penses pas que je parie dans ces sales boîtes, n'est-ce pas ? Mes paris sont faits d'avance. »« Ça n'empêche pas que tu vas aller me mettre 10 beaux petits louis sur un finot placé. »« C'est idiot. Ce sera certainement Surcouf et Louch qui... »« Ça, ça ne te regarde pas. »« Chaque fois que les finots courent, je les prends placés. Ça me réussit. Tiens, voilà 10 louis. » Morière se leva. « Je vais te rapporter tes tickets. » Rosette dit « Ah, le père Salomon qui s'amène !» Se tournant vers la comtesse, elle ajouta « Il vient vous admirer. » Christiane répondit, souriante « Non, pas moi, vous !» La petite de Givray faisait un mouvement de protestation, mais Morière affirma « Madame d'Argonne a raison, c'est toi. Pas la peine d'écarquiller les yeux, va !» Le père Salomon, qui mourrait de chagrin s'il se doutait que c'est sous ce nom que tu évoques son image. Il est absolument féru de la petite de Givray, comme il dit. Chacun sait ça, excepté toi. » Elle demanda, furieuse, en regardant le banquier arrêté à quelques pas avec Dupuis. « Il se permet de m'appeler la petite de Givray ? Dame, oui, comme tout le monde. » Elle cria, rageuse. « Mais je ne veux pas, sapristi, je ne veux pas. Ah ça ! On m'appellera donc la petite de Givray jusqu'à ma mort, Ça m'horripile, la faim. » Ses petites oreilles rougissaient, tandis qu'elle examinait le financier qui se rapprochait, glissant sournoisement à travers les chaises, en saluant très bas les gens reconnus au passage. Elle murmura. « Seigneur, qu'il est vilain. Je ne l'avais jamais si bien regardé. Sa figure est toute zigzaguée de petites veines rouges. Elle ressemble à l'envers d'une feuille de bégonia. » Avant qu'il fût tout prêt, elle se leva et prit le bras de Morière. « Fais-moi faire un tour, veux-tu ? » Et elle s'éloigna, en disant un gentil bonjour au banquier. Déçu mais poli, il s'assit gauchement entre Madame d'Argonne et Monsieur de Givray, les regardant sans rien dire, l'air à la fois aimable et embêté. La comtesse, qui avait envie de rire, demanda, cherchant un sujet de conversation, « Est-ce pour Lutch ou pour Swinehot que vous avez parié ?»« Je n'ai pas parié, je ne parie pas ici. » Monsieur de Givray dit, « Monsieur Salomon ne parie que sur ses chevaux. » Le banquier avait une écurie de plats. Il pariait cher et courait droit. Sa casaque blanche était immaculée. Enrichi tard, il n'entendait rien aux chevaux, et il avait au début chargé le comte Dupuis de diriger l'écurie et les paris. Mais son expérience d'homme, qui a beaucoup roulé les autres, lui avait montré bien vite que Dupuis allait le rouler à son tour, et, ce qui était pire, discréditer ses couleurs, à la bonne renommée desquelles il tenait beaucoup plus qu'à la sienne propre. Alors, courageusement, il avait appris le métier. Il donnait lui-même ses ordres et s'en trouvait bien. La foule savait qu'il courait pour gagner, et jamais un murmure n'accueillait la rentrée de ses chevaux battus. Chagny passait l'air gai, bien portant, heureux de vivre. Le comte Salomon l'appela. Il adorait le vicomte, un des rares hommes du monde rencontré chez sa fille qui n'eût jamais cherché à le taper et le seul qui fut poli pour lui. Le fait est que Chagny, qui haïssait pourtant de toutes ses forces la banque étrangère, trouvait qu'on était chez les Treuil infect pour le père Salomon. Treuil, lui, assez plat en présence de son beau-père, se dédommageait quand il n'était pas là. Il en voulait à mort au banquier de l'avoir joué au moment du mariage. Quant à Agar, elle affectait pour son père et en général pour tous les gens de son ancien monde le dédain le plus absolu. Ils étaient sortis de sa vie. Il n'existait plus qu'à l'état d'utilité, de machine à gagner et à faire valoir l'argent. Souvent, en voyant le banquier isolé au milieu des invités de sa fille, lesquels, pour la plupart, ignoraient le nom de ce grand monsieur obséquieux qui leur offrait des sièges en souriant d'un air engageant, Chagny, bon garçon, avait causé avec lui. Il n'en fallait pas plus pour que le père Salomon le déclarât le plus distingué et le plus spirituel des hommes. Quand il avait dit monsieur le vicomte de Chagny, il avait tout dit. Chagny s'était assis. Le comte Salomon ne bougeait toujours pas. Monsieur de Givray et Christiane se regardaient, pris du fou rire en voyant Rosette qui passait et repassait au bras de Morière, attendant que le banquier se décidât à s'en aller. Chacun revenait à sa place. On allait courir le prix d'ici. D'Argonne arriva au milieu du flot, amenant Madame de Treuil, qui voulait dire bonjour à ses dames. Elle prit la chaise que lui offrait Monsieur de Givray. Rosette comprit qu'elle attendrait inutilement le départ de celui que Morière appelait son bel amoureux, et résolument, elle revint s'asseoir. Le comte Salomon venait d'acheter un étalon connu. Monsieur d'Argonne le félicita de son choix. Alors seulement, Madame de Treuil s'aperçut que son père était là. Ses beaux sourcils se relevèrent, sa bouche se plissa. Ce n'était pas assez de l'avoir amené en voiture. Il fallait encore que pendant les courses, il vînt se coller à eux. Depuis quelques jours, la présence du pauvre homme excitait chez elle une recrudescence d'aigreur. Très engouée pour l'instant de Morière, elle se rendait compte à quel point le banquier était peu fait pour lui plaire, et elle eut tout donné pour éviter les rencontres qu'elle redoutait. Elle savait aussi qu'elle ressemblait déplorablement à son père, et qu'en le voyant, on pouvait assez facilement se représenter la tête qu'elle aurait dans l'avenir. Cette pensée la navrait. Elle lui lança un regard chargé de rancune, tandis qu'il répondait « Oui, n'est-ce pas ? C'est un beau cheval, bien suivi, avec des reins extraordinaires. J'espère qu'il donnera de beaux produits. » « On ne sait pas, » fit Morière distrait, « on ne sait jamais. Gladiateur n'a fait que des rosses. » « C'est vrai, mais c'est exceptionnel. Moi, je crois à l'hérédité, aussi bien chez les animaux que chez les hommes. Voyez les chiens. La même tâche à la même place se transmet pendant 10 générations. C'est comme les beaux cheveux et les cils touffus chez les humains, ou encore les belles dents. ou n'importe quel signe particulier à telle famille ou à telle espèce. Ah oui, je crois à l'hérédité. » D'un mouvement machinal, la petite de Givray se tourna pour regarder le nez de la baronne qui se détachait impitoyablement sur la redingote de Morière, et répondit, tandis que l'insistance de son regard indiquait clairement sa pensée, « Moi aussi, j'y crois. » Craignant qu'on ne la devinât, elle reprit vivement, en bafouillant un peu et sans savoir très bien ce qu'elle allait dire. « Ainsi, Monsieur Dupuis, par exemple. Bah, je suis sûr qu'il doit ressembler à sa famille. Je ne la connais pas, sa famille, et je crois que personne ne la connaît. Mais il a des pieds et des oreilles si extraordinaires qu'il ne peut pas être le premier à les avoir comme ça. Ça doit être venu graduellement. » Madame de Treuil dit en souriant, « Vous ne l'aimez pas, ce pauvre Dupuis. Oh non, c'est pourtant un bon garçon. » Rosette protesta, « Je ne trouve pas, ça n'est même pas une bonne fille. » « Je crois, » dit timidement M. Salomon, qui avait toujours sur le cœur les essais de filouterie de son ancien chef d'écurie, « que Madame la Vicomtesse de Givray a raison. Le comte Dupuis est un monsieur dont il faut se méfier. » Il ajouta, s'adressant à sa fille, « Et tu ne t'en méfies pas assez, Agar ?» Un brouhaha annonçait l'arrivée des chevaux. Madame de Givray demanda, « Qu'est-ce qui a gagné ?» Personne ne put le lui dire. Et comme le banquier se précipitait pour aller savoir le nom du gagnant, elle l'arrêta. « Mais non, ça m'est bien égal. J'ai dit ça sans savoir pourquoi, comme presque tout ce que je dis, d'ailleurs. » D'un œil un peu triste, narquois aussi, Madame d'Argonne regardait son mari qui offrait le bras à la baronne pour aller voir les chevaux, mais elle refusait. Elle était fatiguée, disait-elle, et préférait attendre ici la course. Et puis, il fallait retrouver les Venancourt pour le départ. Elle répondait, l'air indifférent, évidemment agacée de cet empressement qui tombait mal. Et quelque désir qu'elle eût de rester correcte, elle ne pouvait s'empêcher de regarder expressivement à la dérobée Morière, toujours impassible. Tout à coup, Chagny dit d'un air consterné « Oh, Madame de Bouillon engraisse encore !» La princesse de Bouillon, une femme de 50 ans, avec une tête encore belle sur un corps monstrueux, passait au bras de M. Dantin, un grand jeune homme correct. Le comte Salomon appuya « Elle engraisse beaucoup. Je regardais avant-hier à l'opéra ses bras. C'est effroyable. On ne sait pas ce qu'on voit. Ça fait un drôle d'effet. » « Ça fait l'effet d'inconvenance, » dit en riant Chagny. « Taisez-vous donc, » murmura Madame d'Argonne. « Elle vient ici. » En effet, la princesse venait à eux. Elle salua le groupe assez légèrement et s'adressant à Madame de Treuil, elle lui dit, se faisant très gracieuse et très chatte, « J'ai une grâce à vous demander. Un de mes amis, un charmant jeune homme qui désire vivement vous connaître. Quand puis-je vous le présenter ?» Toutes les têtes s'étaient levées, écoutant plus curieusement que la correction ne l'eût voulu. Depuis un mois, on ne s'occupait que du nouveau flirt de la princesse, et par flirt, on entendait exactement le contraire de ce passe-temps doux et modéré. Le nouveau flirt de Madame de Bouillon intriguait vivement et déroutait un peu. Certes, on était fait à ces multiples aventures, on fermait les yeux tant qu'elles duraient, et on passait ensuite l'éponge dessus pour faire place aux suivantes. Mais c'était des aventures, pour ainsi dire, prévues, avec des gens que leur situation ou les circonstances désignaient d'avance presque fatalement. Cette fois, l'ordre de choses se trouvait bouleversé. Le nouveau favori avait 22 ans et, disait-on, n'était pas du monde. À peine quelques intimes l'avaient aperçu, sans retenir son nom. Chagny demanda à Christiane, « Voulez-vous vous promener, goûter ?»« Je veux bien me promener. » Dès que Madame d'Argonne circulait, sa singulière beauté, peu connue puisqu'elle se montrait peu, attirait autour d'elle ces curieux naïfs ou grossiers que recèle une foule, même relativement élégante. Elle s'en apercevait et ne s'en fâchait pas, mais Chagny, agacé de creuser un sillon dans la masse compacte qui les entourait, demanda « Si nous montions sur le toit pour voir la course ?»« Si vous voulez. » »« En ce cas, dépêchons-nous, les chevaux vont partir. » Ils commencèrent à monter. L'escalier était désert. Certainement, on courait déjà le grand steeple et chacun à son poste regardait. Christiane, qui montait presque en courant, s'arrêta tout à coup, devenue subitement très rouge, et quand le bruit de ses petits talons eut cessé, Chani, arrêtée derrière elle, se mit à rire, très amusée. À quelques marches au-dessus d'eux, des gens qu'ils ne voyaient pas mais dont ils reconnaissaient les voix assourdies parlaient. C'était Morière et Madame de Treuil. Elle répondait, se défendant, très molle, d'un ton abandonné. « Non, pas ça, ne me demandez pas ça. Je vous en prie, soyez bonne, je vous aime tant. Vous m'aimez ? Depuis 3 jours que vous êtes revenue ? Je vous aimais avant de partir. Je ne vous crois pas. Enfin, qu'est-ce que je vous demande, en somme ? De venir me voir ? Me voir, sans plus. D'apporter un peu de vous dans ce logis où je suis si seule ? » Elle répondit. « Chez vous, c'est impossible. »« Eh bien, ailleurs. »« Où ça ? » ?»« Chez un de mes amis. »« Où demeure-t-il, cet ami ?» Morière, un instant interloqué, répondit « Avenue Hoche, au rez-de-chaussée. » Il se souvenait qu'on venait de lui parler d'un appartement qu'on désirait sous-louer à Avenue Hoche. Qui diable lui en avait parlé ? Il ne savait plus. Mais ne voulant pas laisser refroidir les dispositions de Madame de Treuil, qu'il jugeait excellente, il se fit suppliant. « Je vous en prie, ne me rendez pas malheureux, venez. » D'une voix un peu rauque, elle murmura. « Eh bien oui, j'irai. » « Quand ?» Et elle chercha, déjà remise, se rappelant toutes les courses, les 5 heures, les essayages de la semaine, et elle dit enfin « Vendredi. » Il demanda « Vous n'êtes pas superstitieuse ?» Elle l'était, elle cria presque. « Non, non !» Jeudi. Jeudi, à quelle heure ? À 3 heures. Ils se remirent à monter. Chani dit seulement « Le siège n'a pas été long. » Effaré de la facilité avec laquelle se traitait une affaire qui lui paraissait aussi sérieuse, Christiane murmura sans même se rendre compte qu'elle parlait « Comme ça se fait simplement. » Chani répondit en riant « L'habitude. » Il ajouta, écoutant les pas qui ébranlaient l'escalier « Nous pouvons descendre, la course est finie. » Elle le suivit, pensive, sans plus parler.